nice and in alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to j'ai perdu la boule. Perdu dans tes yeux, je retrouve plus ma route. Toute ma vie, j'ai rêvé de chanter cet amour. Mais les plus belles chansons sont souvent les plus tristes. Personne, personne m'a appris à nager dans tes yeux. Personne, personne m'a appris à aimer comme ça, planer dans les cieux. À part toi, tu m'as fait tourner, tourner, tourner, tourner la tête. Tu m'as fait couler hier encore, je criais à l'aide. Mes yeux sont mouillés, mouillés, mouillés depuis la veille. T'as du cœur noyé, noyé, noyé, perdu en mer. Tu m'as fait tourner, tourner, tourner, tourner la tête. Tu m'as fait couler hier encore, je criais à l'aide. Mes yeux sont mouillés, mouillés, mouillés depuis la veille. T'as du cœur noyé, noyé, noyé, perdu en mer. Je t'envoie des SOS, SOS. Toute la nuit, je t'aurai dans la peau, toute ma vie. Je t'envoie des SOS, SOS. Toute la nuit, je t'aurai dans la peau, toute ma vie. Comme dans le son de Whitney, ouais. Comme dans celui de Billy. J't'aime trop et c'est la vérité. J'veux pas que ça finisse en mauvais délire. On perd notre temps trop souvent, car trop souvent on se fait la guerre. Finir à deux, c'est le projet. S'il te plaît, rejoins-moi dans la mer. Petit cœur manque à l'appel. Petit cœur manque à la terre. Petit cœur est à la traîne. Car petit cœur est à la peine. Tu m'as fait tourner, tourner, tourner, tourner là. Tu m'as fait couler hier encore, je criais à l'aide. Mes yeux sont mouillés, mouillés, mouillés depuis la veille. T'as du cœur noyé, noyé, noyé, perdu en mer. Tu m'as fait tourner, tourner, tourner, tourner la tête. Tu m'as fait couler hier encore, je criais à l'aide. Mes yeux sont mouillés, mouillés, mouillés depuis la veille. T'as du cœur noyé, noyé, noyé, perdu en mer. Tu m'as fait tourner. I'm looking for shelter in my-

One One plus one, je suis sûr que je veux t'avoir. One plus one, toutes les coordonnées de mon cœur sont données, de l'amour sont données. La nuit va s'en aller, me laisse pas m'en aller, me laisse pas m'en aller. Feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Turn it out of my behavior. Say I'm a savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Say girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, in spite of my behavior, you are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Well, girl, I surrender. So thanks for giving me your love. All of this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live your pure fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Yeah. Looking back, shawty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel. You're my darling. Ses droits, perdre son temps, avoir peur de soi ou peur des gens, c'est si facile quand on s'endort, perdre le fil sans les accords. Broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. And I'll rise up, I like the waves, I'll rise up, in spite of the ache, I'll rise up, and I'll do it a thousand. The silence is a quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Ooh. dance. Bring it to its feet. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. La la la la, la la la la, la la la la la la. Wasted love. La la la la, la la la la, la la la la la. My emotions overflowing, ocean takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. Wasted. À quoi bon chercher si c'est comme ça? Un jour j'ai trop, un jour j'ai pas. Un jour de trop, un jour je sais pas. Un jour de plus et je m'oublie moi. Ce refrain qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine. À chacun de mes pas. Fucked up. told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais. Tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendais pas que tu le sois. Mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras.

fighting my anxiety constantly. I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, cause I can't express how thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath. Spinning out in space, pressing up my chest. I don't wanna lose control. Sometimes I still think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in the now, but the air gets caught. Cause even though I'm old and knowing, I know how to shake off the past. I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. I don't wanna lose. Todo el mundo en patín en la discoteca. botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Voy a mandarle hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. I'm so confident. Tips on the melon. I'm a motherfucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama.

gonna make it? Is this gonna hurt? Oh, we can try to sedate it, but that never works. Yeah, I start to imagine a world where we don't tell me you're leaving, I'll make it easy, it'll be okay. If we can't stop the bleeding, we don't have to fix it, we don't have to stay. I will love you either way. Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? We'll be right back.

tu as eu ce regard hagard, indifférent, mais qui, pour ma part, fut la magie d'un instant. Pour que ça dure. Que ça dure. Mi camisa negra ni mi tú, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, 'cause I'm needing a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. Things you call, I'll get you any.

sit around, watch funny shit on YouTube. I know at times I can have a couple screws loose. I'm trying to connect to your body, girl, like it's Bluetooth. You know what I mean, you know what I need. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Yeah, I got JB and JB, you know the bitch is going crazy. Number one song in the world, so now she wanna date me. Where I'm from, people like me don't make it in the mainstream. What's with the attitude, baby? Tell me why you hating. Peleando sin una necesidad. Valórame, bebé, que con ese humor nadie te aguantará. Quien te entiende así conmigo no te falta nada. Cógela suave, más porque esta bomba explotará. Si te saco el genio no vuelvo a frotar tu lámpara. Y listo, te dejé en visto, pero fue porque estaba gritando.